Les chimpanzés. Les chimpanzés vivent dans la forêt. Ils forment de grandes familles. Les chimpanzés adultes s'occupent de tous les bébés chimpanzés. Les chimpanzés ont de grandes oreilles et un petit nez. Ils n'ont pas de queue. Les chimpanzés ont de longs bras. Leurs bras leur permettent de se balancer dans les arbres. Les chimpanzés marchent aussi sur le sol. Ils marchent sur leurs pieds. Ils s'appuient sur leurs mains. La maman chimpanzé porte son bébé sur son dos. Quand un chimpanzé voit de la nourriture, il se met à sauter. Il fait beaucoup de bruit. Puis, tous les chimpanzés viennent manger. Les chimpanzés mangent des bananes, des noix, des feuilles, des insectes. La nuit, les chimpanzés dorment dans un nid. Ils font leur nid dans les arbres, avec des branches et des feuilles. Le lendemain, ils font de nouveaux nids. Quand les chimpanzés sont contents, ils font des sourires et des grimaces. Ils peuvent aussi être tristes, comme les humains.